Ok, ok, c'est Romain Gordon pour 3G Prod. 2MG, 3G. Si, si. Ok, ok, ok. Hein? 2012, pouh. Ok, les regrets sont fondés. Chaque soir, on sent sans fumée. Les boules dans l'oreille, on marche droit sur l'or. Déjà, mon ami tombe, quel éclat. Fais pause. C'est un système de pute, je réécris mon histoire, je réduis pas PQ, je suis plongé chaque soir dans le noir. Mes idées se bousculent sur des pleurs, mes cris sont crispés, toujours à parler, mes rien ni même le danger me fait déjanter. Ou bien tu prends des balles, te faire en mode Dragon Ball, je suis Kini en mode pépite de Chicorée. Ça fait danser le diable, ta mère en prêve, quand tu la vois, c'est un éclair, ma vie en enfer, je risque de perdre. Tous mes sens se fondent, chaque soir je plonge, la mer mousse pire que Mickey, cette lobe de Mimi, la malice qui fait vibrer les sept mains. Mains se fondent dans la masse, pire que Georges au fond du gouffre, c'est ça, un film qui fait peur, destiné aux filles qui pleurent, qui se mouchent dans leurs mains, qui fondent comme de la glace, ma vie est un rime qui agace. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées, alors on plonge pour tapiner. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées. Alors on plonge pour tapiner. Alors on plonge pour tapiner. Ok, ma vie au clarine, je change pour marine. 10 piges au sud de ma vie, les bruits arbitres se mélangent, pire qu'un cuicui. Je m'en fous car je dérange, mais les bruits me font désormais rire. Rien n'a changé au sud de mes nuits. Je fais suite au boulot, je réussis donc je m'évanouis. Évanoué se cultive, je nique tout de suite. Je signe donc je ressuscite donc j'applique. Ok. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées. Alors on plonge pour tapiner. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées. Alors on plonge pour tapiner. Yeah. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées. Alors on plonge pour tapiner. C'est destiné à te faire peur, chaque fois que tu rentres tu plaires. C'est un manque d'amour qui manque, on entend les mêmes mots, trop de choses sont bloquées. Alors on plonge pour tapiner.